Donc, on va commencer la journée avec un premier intervenant. Donc, on rappelle les règles des interventions. L'intervenant parle pendant une vingtaine de minutes, expose son sujet, son point de vue, et le public est invité à participer, à dialoguer avec l'intervenant et entre eux durant les 40 minutes suivantes. Donc, aujourd'hui, en premier intervenant, Ahmed qui vient nous parler du dollar qui s'imposait comme monnaie de référence. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, le dollar est aujourd'hui une monnaie dite internationale. Il est tout à fait légitime de se demander pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, dans l'économie moderne, le dollar a réussi à s'imposer, alors que la livre sterling est une monnaie qui date de beaucoup plus longtemps que le dollar. Donc on va se demander pourquoi. Donc il faut revenir aux origines du dollar. Donc les premiers billets qui ont été imprimés aux États-Unis, ils ont été imprimés en 1690. C'est les premiers billets. Ils s'appelaient pas encore des dollars, mais c'est la première monnaie américaine en 1690. Les Américains ont eu leur indépendance en 1776. Et c'est là où ils ont, comme toute nouvelle nation, il faut une nouvelle monnaie. Donc c'est là où ils ont commencé à réfléchir et ils se sont décidés à imprimer des dollars. Donc le dollar, déjà son nom est d'origine européenne, ça vient de thaler, qui signifie monnaie d'argent. Et le signe du dollar en lui-même est lui aussi européen. Il symbolise les colonnes d'Hercule, c'est-à-dire le détroit de Gibraltar. Les colonnes d'Hercule, oui, avec le serpentin qui serpente autour. Donc c'est ça ce qui a donné. Donc, les origines du dollar, ils sont européennes. Mais au tout début du dollar, ça a été très difficile. Très difficile parce que tout le monde imprimait des dollars aux États-Unis. C'est-à-dire les hôtels, les compagnies ferroviaires. Donc chacun avait son dollar. Et par exemple, quand on venait d'un état à un autre, pour aller voir un commerçant, il disait: ouais, mais ce dollar, il vaut pas un dollar. En vérité, il vaut que 50 cents. Donc là, vous imaginez la situation ou pas? On va boire un café, par exemple, et on doit négocier le prix du billet de dollar, en fait. Donc, les Américains, ils se sont décidés donc à mettre en place définitivement avec une banque centrale le vrai dollar qu'on connaît aujourd'hui avec la couleur verte. La couleur verte, d'ailleurs, petite anecdote, ça vient du fait que le vert était difficilement. Les faussaires avaient du mal à imprimer des billets de couleur verte. Donc c'est pour ça qu'on a choisi le vert. Dans les années 1800, c'est vraiment la livre sterling qui domine dans le monde. Le dollar est tout jeune, il vient juste d'être créé. La livre sterling, c'est 50% au niveau mondial dans les années 1800 des transactions commerciales. Et il faudrait attendre quand même les années 1900. Oui, 1900. À partir de 1914, l'État entre en guerre européen. Puis les États-Unis en 1917, ils vont rentrer. Donc les États sont en guerre, ils suivent le système de l'étalon or. C'est-à-dire que leur monnaie, elle est évaluée sur l'or. Sur les billets américains, on peut retrouver la mention faite de échangeable en or. C'est-à-dire si on avait 20 dollars, on peut aller à la banque. Parce que c'est une monnaie scripturale, c'est-à-dire en papier. Mais on peut aller à la banque et demander à la banque qu'elle convertit ce billet en or, qu'elle nous donne de l'or à la place. Donc chaque billet imprimé, fallait qu'il ait son homologue en or. Donc voilà un des exemples typiques. Ici, il y a la mention qui est faite de échangeable en or. Ouais, ça c'est vers 1914. Donc les Américains, ils pouvaient pas faire tourner la planche à billets comme ça. Pour chaque billet imprimé, il fallait qu'il y ait son homologue en or. Donc voilà. C'est pareil pour toutes les autres nations, mais quand ils entrent en guerre, ils abandonnent le système des talons or. Parce qu'il présente des inconvénients. Le principal, c'est que l'or, il est pas réparti, il est réparti inégalement sur Terre. Donc voilà, tout simplement. Mais un des arguments pour les talons or, c'est qu'il permet de stabiliser la monnaie. Donc comme je disais, Première Guerre mondiale, les Américains sont pas touchés directement. Parce que eux, ils interviennent en Europe, mais pendant la Première Guerre mondiale, il n'y a rien sur le territoire américain. Donc c'est là vraiment où ils commencent à être dominants au niveau économique. Beaucoup de biens manufacturés sont produits, c'est-à-dire des avions, des bateaux. Les différentes nations européennes commencent à donner leur or aux Américains en échange de biens manufacturés, justement. Donc c'est là où ils vont commencer à amasser un stock d'or. Et l'or, comme je le disais avec les talons or, c'est une des ressources principales. Donc celui qui a l'or, bah, c'est celui qui a tout. Donc tout va bien de 1921 à 1929 aux États-Unis, tout roule bien. Impeccable, les gens se pressent à Wall Street, ils vont acheter des actions. Tout marche bien. Les entreprises sont très productives. Beaucoup de personnes à l'étranger veulent investir aux États-Unis. Tout roule bien. La planche à billets marche. Jusqu'en 1929. En 1929, il y a des rumeurs qui se disent. Les Américains entendent des rumeurs. Ils entendent. En fait, ils suivaient un homme. Et j'ai pas le nom en tête, je suis vraiment désolé. Mais suivait cet homme, et cet homme en fait, il disait où investir aux Américains. Et les Américains le suivaient aveuglément. Donc jusqu'à un beau matin, il est parti leur dire, allez vite retirer vos actions et allez vite convertir vos billets, demandez de l'or à la place. Donc tout le monde s'est véritablement rué pour aller vendre leurs actions. Donc tout le monde est parti vendre ses actions. Donc quand tout le monde vend ses actions, l'offre et la demande, elle est perturbée. Il y a plus de demandes. Donc les prix chutent inévitablement. Au niveau de la convertibilité aussi, tout le monde va vers les banques américaines. Ils vont demander, oui, moi j'ai mes billets de dollars, donnez-moi mon or. Et c'est clairement stipulé sur les billets américains. Comme je vous l'ai montré, c'est clairement dit. Je viens montrer mon dollar, vous me donnez de l'or. Donc les banques sont obligées de fermer. Et là, c'est vraiment le krach de 1929. Donc, l'économie chute, ça entraîne du chômage. Voilà, beaucoup d'entreprises ferment. Même au niveau mondial, ça a impacté. L'Allemagne, c'est elle qui en fait les frais principaux. C'est d'ailleurs un des facteurs de la montée d'Hitler en Allemagne. Les historiens disent ça. La crise de 1929, elle a véritablement impacté l'Allemagne. Concernant le dollar, dans certaines villes aux États-Unis, les gens découpent du caoutchouc et ils écrivent, ils inventent en fait des dollars en caoutchouc. Et le système de troc se met en place. Donc voilà, les gens commencent à faire du troc parce qu'ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de dollars. Donc ils font avec les moyens du bord, comme on dit. Voilà une foule d'Américains, c'est une des images typiques. Ils se précipitent pour vendre leurs actions. Ensuite, après 1929, on va aller vers la Seconde Guerre mondiale. Donc la Seconde Guerre mondiale, pareil également. C'est avec la Première Guerre mondiale, c'est un des facteurs qui va faire que le dollar va vraiment devenir la monnaie dominante au monde. La Seconde Guerre mondiale, encore une fois, que ce soit du côté des Européens ou du côté encore même asiatique, hein, même avec les Japonais, hein, c'est quand même dur à croire. Mais les Américains ont combattu les Japonais, mais les Japonais ont envoyé leur stock d'or. Donc il y a vraiment un afflux de stock d'or qui est parti vers les États-Unis. Deux tiers des réserves mondiales, des stocks d'or au monde, bah oui, mondial, au monde, sont partis aux États-Unis. Donc c'est vraiment fulgurant. Le revenu national a doublé. Le chômage a énormément diminué aux États-Unis. Ils disposent de la moitié de la capacité productive mondiale. Ils disposent d'une forte ressource industrielle et agricole et d'une avance technologique fulgurante. Tandis que les pays européens sont plongés dans le chaos de la guerre. Donc des pays ravagés, etc., etc. En 1944, dans une petite ville des États-Unis, Bretton Woods. Les différents pays se réunissent à Bretton Woods le 22 juillet 1944. 44 nations se réunissent là-bas, dont un observateur soviétique. Donc eux, ils n'ont pas signé, mais il y avait un observateur soviétique pour voir ce qui se passait. Deux grandes figures de l'économie mondiale. Keynes, inventeur de la macroéconomie et du keynésianisme, qui est aujourd'hui enseigné partout. Même moi, je suis en première ES, Keynes, c'est un des fondamentaux. Et un deuxième, Harry Dexter White, lui aussi un grand économiste. Donc les nations se réunissent là-bas, et qu'est-ce qu'ils veulent en 1944? La guerre va se terminer, hein. C'est déjà bouclé, c'est plus qu'une question de mois pour rentrer à Berlin. Donc ils savent. Donc ils se disent, d'accord, la guerre est bientôt terminée, mais il faut poser les bases d'une économie stable. Parce qu'ils ont vu ce que ça faisait l'étalon or, le système d'étalon or, et la crise de 1929, et ils veulent plus que ça se reproduise, justement. Ils veulent quelque chose pour poser les bases d'une paix durable, en non pas politique, mais économique. Donc qu'est-ce qu'ils décident? Il y avait deux théories. Keynes, lui, voulait que ce soit une monnaie dans le monde, qui paye, hein, donc qui n'est pas politique mais mondiale. Il y avait la théorie de Harry Dexter White. Lui, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que ce soit le dollar, que les différentes monnaies s'embriquent sur le dollar et que le dollar s'embrique sur l'or. Donc c'est la théorie de Harry Dexter White qui a été mise en place. Le système ne s'appelle pas étalon or, mais ça ressemble, mais ça s'appelle Gold Exchange Standard. Donc ça veut dire que le dollar était fixé à 35 dollars la once. Ça, c'est pour les réserves de change internationales. C'est-à-dire, dans les banques mondiales, si quelqu'un ramène 35 dollars, on lui donne une once d'or. Une petite anecdote aussi, mais ça c'est bien après. Aujourd'hui, la once vaut à 1000 dollars, mais en 1944, elle était à 35 dollars. Donc le dollar, 35 dollars la once, et les autres monnaies comme le franc, la livre sterling, le mark, tous embriqués sur le dollar. Le système de change, lui, il est pas flottant comme de nos jours, il est fixe. Aujourd'hui, le système de change, il est flottant. Ça veut dire que chaque jour, une monnaie n'a pas la même valeur. C'est-à-dire que le dollar, chaque jour, il change. Le cours du dollar, chaque jour, il change. Mais en 1944, c'est pas du tout ça. Donc, une fois ça, toutes les nations sont maintenant dépendantes des États-Unis. Parce qu'il n'y a que les États-Unis qui sont capables d'émettre des dollars. Mais d'un côté, ça favorise vraiment bien les États-Unis, parce que avec les dollars, ils peuvent se permettre d'être en dette. Parce que vu que c'est eux qui produisent le dollar, donc ils peuvent s'endetter, c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, ça, c'est un des facteurs de la fin de Bretton Woods. Donc voilà, ça, c'est un des schémas qui montre comment ça marche. Là, il y a la once d'or, là, il y a le dollar. Et les autres monnaies sont dépendantes du dollar. Voilà. Donc, Bretton Woods, vraiment, c'est un des troisièmes facteurs, on va dire, qui va permettre au dollar de devenir la monnaie la plus influente au monde, mais pas que. En 1950, c'est là l'année où, dans les années 50 en général, c'est là où le dollar est, c'est bon, c'est devenu le maître en termes économiques. L'industrie marche très bien. Encore une fois, les produits manufacturés aux États-Unis sont très bien produits. L'économie internationale roule très bien. Jusqu'en 1960, les États, ils commencent à se poser des questions. Ils se demandent, ils commencent à vouloir récupérer leur or. Parce que, comme je l'ai dit, deux tiers de l'or appartient aux États-Unis. Donc, ils commencent à se dire, les Allemands et aussi le général de Gaulle, ils commencent à vouloir récupérer leur or et le rapatrier en France. Ceux qui voulaient le plus ça, c'est les Allemands et les Japonais. Puis vient la guerre du Vietnam. Là, les moyens sont vraiment gigantesques. Énormément de... Ça se compte, je pense, en millions de dollars, quand même. L'investissement des armes. Et là, le monde est endetté. Parce que les Américains consomment trop dans cette, pendant cette guerre. Et du coup, c'est là, ils veulent commencer à rapatrier leurs dollars. Je voudrais revenir, un des autres facteurs, c'est le plan Marshall, mis en place en 1947. Donc là, les États sont encore plus dépendants, parce qu'il faut, il faut la reconstruction, et les Américains s'engagent à aider les différents pays européens pour leur reconstruction. Donc la France en a bénéficié, la Grande-Bretagne, de nombreux pays européens en ont bénéficié, mais ça s'est pas fait gratuitement. Il y a eu des taux d'intérêt. Donc les États étaient dépendants vraiment des États-Unis, ils ne pouvaient rien faire. Aussi, deux institutions ont été mises en place pour renforcer encore plus le pouvoir des Américains et du dollar. La Bird et le FMI, qu'on connaît encore aujourd'hui. Une troisième devait voir le jour, c'était une organisation du commerce, mais elle a vu le jour qu'en 1995, donc c'est autre chose. 1971, Nixon dit c'est bon, c'est fini. Tous les États veulent leur or. Il dit maintenant, à partir de maintenant, le dollar, même si vous ramenez 35 dollars, on va pas vous donner une once. C'est bon, je mets fin à la convertibilité du dollar et de l'or. Parce qu'il a vu tous les stocks partir à l'étranger. 1973, c'est bon, là c'est la fin. Et on revient au système de change flottant qu'on connaît aujourd'hui. Mais le dollar, trop tard, il a pris une place dominante dans l'économie mondiale. Dans les réserves de change, en fait, c'est des réserves que les banques centrales ont. Soit il y a des bons du trésor ou de la monnaie. Et c'est là où eux-mêmes, ils régulent leur taux de change. Donc la Chine, aujourd'hui, elle en a énormément. Parce qu'elle commerce beaucoup avec les États-Unis. Et justement, la Chine, ça lui permet de laisser sa monnaie basse par rapport au dollar. Pourquoi ? Parce que vu que la monnaie, le yuan, est faible, bah les Américains, ils auront plus tendance à acheter avec les Chinois. Alors que si elle est haute, bah ils vont pas acheter. Donc malgré la fin de Bretton Woods, comme je le disais, on peut voir que les transactions dans le monde, le dollar, c'est vraiment ce graphique. On voit la courbe du dollar, là, en bleu tout en haut. Et c'est vraiment ce qui représente... les principaux échanges dans le monde. Donc aujourd'hui, les transactions, le commerce international se font en dollars. On compte en dollars et on échange en dollars, évidemment. Revenons à cette date clé de 1973. 1973, c'est vraiment l'année. Là, c'est entre guillemets un deuxième Bretton Woods. Parce qu'en 1973, les États-Unis vont négocier avec l'OPEP. Donc en 1973, déjà, il y a eu une crise pétrolière. Et les États-Unis, ils vont en profiter, ils sont intelligents. Ils viennent, qu'est-ce qu'ils disent à l'OPEP? À l'Organisation des pays exportateurs du pétrole. Ils viennent, ils leur disent, là, il y a une crise. Nous, on se met garant avec notre dollar, vu qu'il est fort. Toutes les transactions maintenant pétrolières, ils vont se faire en dollars. Toutes les transactions pétrolières vont se faire en dollars. Et ça va permettre vraiment au dollar d'occuper la place de monnaie de référence. Aujourd'hui, qui comme pays n'achète pas de pétrole? C'est inconcevable. J'ai juste regardé maintenant avec le blocage des raffineries. Ça provoque vraiment une crise dans les pays. Donc maintenant, personne ne peut se permettre d'acheter le pétrole en euros. C'est inconcevable, ça n'existe pas. Obligatoirement, il faut qu'on achète le pétrole en dollars. Grâce à ça, les banques centrales sont obligées de reconstituer des réserves de change qui sont faites énormément, encore une fois, de dollars. Donc ils sont obligés de faire des transactions en dollars. Bon, j'ai un mauvais exemple, mais en 2004, il y en a un qui a voulu mettre fin à ce système des pétrodollars, c'est Saddam. Saddam Hussein, président de l'Irak, enfin dictateur de l'Irak. Et c'est un des facteurs de l'intervention des États-Unis et de la Grande-Bretagne lors de la guerre du Golfe. C'est un des facteurs, c'est pas le facteur principal, mais voilà. Donc finalement, le dollar, il a su acquérir le rôle de monnaie de réserve du monde. Près de 50% de tout le commerce international se fait en or, en dollars, pardon, américains. Et la plupart des contrats pétroliers doivent être payés en dollars. Le dollar a acquis cette place au fil du temps, comme on l'a vu. Ça passe de 1914, les différentes guerres à Bretton Woods, jusqu'à la fin de Bretton Woods et le système des pétrodollars. Et maintenant, on peut se demander jusqu'à quand le dollar va rester maître de l'économie mondiale. C'est une ouverture. Non. Allez-y. Attends, tu vas. Attendez, monsieur, attendez, monsieur. Attendez, attendez. Est-ce que tu as fini ton intervention? Tu souhaites d'abord finir. Attends, tu as encore un truc à dire ou on peut laisser la parole? D'accord, très bien. Monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, si vous voulez rajouter quelque chose, je vous en prie, mais avec bienveillance, s'il vous plaît. Je vous demande, monsieur, eh bien, non, non, mais monsieur, vous êtes très bon. Mais vous ne parlez pas qui c'est les dollars derrière. C'est la Goldman Sachs. Et si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien, vous perdez votre temps, vous discutez dans le vide. Monsieur, prenez le micro. Non, non, non, non, non. Non, monsieur, monsieur. Tout le monde est là aussi pour rajouter. Personne ne détient le savoir absolu. Qui tire les ficelles. Uniquement. Et si vous ne connaissez pas, c'est malheureux. Très bien. Tu veux rajouter quelque chose ou d'autres personnes veulent intervenir? Une question d'ouverture, on pourrait se demander jusqu'à quand le dollar va être dominant. Non, pas du tout, absolument pas. Absolument pas. Je suis là pour apprendre moi-même. T'es intelligent. Je veux dire, non, mais il va parler. Dans une société, on doit apprendre les leçons de bien vite et de montrer que lui debout, c'est une avancée. Monsieur est irrespectueux, on lui respecte. Et lui, on le soutient. C'est la même chose que quand le mec l'a touché avec la maintenant, on le vire. C'est pareil. Est-ce qu'on peut reprendre le débat? Prends le débat, mais agissez, les gens, agissez. C'est pas de quelqu'un se faire insulter comme ça. Si quelqu'un veut la parole, on demande, on a un micro pour les tours de parole. Ne le laissez pas se faire insulter. pire, tu vois. Il y a des vieux cons, il y a des vieux cons qui ont un peu d'instruction, mais c'est des vieux cons. Je suis là pour apprendre, et ça m'embête, et ça m'embête. Moi, je connais pas. Alors, comme je connais pas, j'ai pas la science infuse moi-même. Il n'y a pas de problème, On est tous là pour apprendre, même intervenant. Donc, merci à tous. Ne vous énervez pas. On est là pour discuter tranquillement. Donc, une question d'ouverture. Je voulais vous demander, vous pensez quoi ? Quels sont les moyens pour mettre fin à cette domination du dollar quand même ? Parce que c'est l'outil clé qui permet aux États-Unis d'asseoir leur domination au niveau mondial. Donc, c'est ça une question d'ouverture. Jusqu'à quand la fin du dollar maître ? Non, moi, plutôt que de t'apporter une réponse, je vais te poser une question naïve. À l'époque du Gold Exchange Standard, c'est la Banque Centrale Américaine qui fixe autoritairement ce cours du dollar, ou est-ce qu'elle doit passer par des accords internationaux ? Et c'est pour ça qu'on met en place des choses comme le FMI, etc. Donc le Gold Exchange Standard, il a été mis en place une bonne fois pour toutes, en fait. C'est 35 dollars la once, point barre, en fait. On a mis ça. Non, ça n'a pas été renégocié. On a mis ça en 1944 à Bretton Woods. Les différents pays, bien sûr, se sont réunis et se sont mis en accord. Ils se sont mis en accord et on a fixé ça à 35 dollars la once. Le dollar, 35 dollars la once. Et les autres monnaies, eux, se calquent non pas sur l'or, mais sur le dollar. Oui. La valeur du dollar et la manière dont l'État américain la manipule est liée aussi à un pouvoir politique. Enfin, elle est liée à des stratégies militaires, puisqu'on voit bien que le fait qu'ils se réservent sur les interventions militaires leur permet d'avoir une intervention plus de l'ordre économique et de devenir le fournisseur des pays qui se battent, quoi. Bon, en gros, et que c'est ça qui fonde leur surpuissance économique. De même que, si j'ai bien compris, Nixon fait ce coup en 71 de mettre fin définitivement à l'étalon or, mais c'est aussi possible parce que derrière va y avoir les accords avec la Chine, par exemple. Nixon, c'est aussi l'homme du coup politique des accords des États-Unis avec la Chine contre l'URSS, quoi. Voilà, donc il y a, je sais pas comment dire ça, quoi. Il y a aussi une construction, j'ai pas l'impression que le pouvoir, comment dire, que c'est le pouvoir financier qui leur permet le reste. Mais que c'est une construction plus compliquée d'un pouvoir qui est toujours à la fois une stratégie militaire, une stratégie politique, une stratégie financière. Voilà. Donc oui, en fait, voilà quoi. Donc je sais pas, tu as parlé tout à l'heure, je peux tutoyer, hein, ouais, on peut tutoyer. Tu as parlé de Saddam Hussein. Alors je sais pas quelle date il a décidé de vouloir payer le pétrole pas en dollars, justement. Et donc, ouais, bon, le gros problème, et donc il y a eu une intervention militaire, hein. Donc le gros problème, il est là, c'est qu'à partir du moment où la puissance économique est liée aussi à la puissance militaire, si les États-Unis n'arrivent pas à imposer leur puissance économique, bah après, ils règlent ça de façon militaire. Il me semble aussi que Kadhafi, c'est pareil, hein, il voulait créer une espèce de monnaie africaine, quoi, pour sortir un peu, et ça n'a pas plu. Et d'ailleurs, les Français étaient impliqués, puisqu'ils ont le franc CFA, hein, sur l'Ouest et l'Est, hein, ils ont deux types de franc CFA, et c'est eux qui battent la monnaie et tout ça, c'est super important, hein, le franc CFA, on n'en parle jamais assez. Donc voilà, et quand on est intervenu, c'est les Français en première ligne qui ont été intervenir, pour assassiner Kadhafi, on peut le dire, hein. Je pense que c'est il a pas été jugé ni rien, hein, même si c'était un dictateur. Et Saddam Hussein, c'est un peu pareil. Enfin, il a eu un jugement, mais bon, bref, voilà. Oui, bonjour à tous. J'aimerais comprendre un peu le système des banques, comment c'est arrivé, quelles sont les premières banques centrales et comment les banques sont arrivées à avoir autant de pouvoir. Parce que, bon, c'est bien qu'ils puissent négocier et mettre en place tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire du monde pour que ces hommes puissent avoir autant de pouvoir et puissent avoir des décisions qui dominent le monde entier ? Très bien. En fait, vos deux interventions, ils se rejoignent un peu. Parce que la monnaie, c'est vraiment une arme. Une arme dans le sens économique et politique. Donc comme vous l'avez bien dit, les Français ont sont intervenus en Libye pour protéger leurs francs CFA. Et par contre, en 2004, dans la guerre du Golfe, ils ne sont pas intervenus. Il y a juste eu les Britanniques et les États-Unis. Chirac n'a pas voulu intervenir. 2003, excusez-moi. C'est 2004 le jugement alors. Ouais. Et vraiment, c'est une arme politique et économique. Donc c'est pour ça que les nations se battent pour que leur monnaie reste dominante. Parce que si, je vais citer une phrase de Nixon. Nixon, il disait une économie forte est basée sur une monnaie forte. Et une nation forte est basée sur une économie forte. Donc vraiment, l'économie de nos jours, c'est vraiment, c'est même pas un outil, c'est devenu une arme. C'est devenu une arme. Et pour les banques centrales, oui. Oui, on pourrait d'une certaine sorte, parce que la colonisation, ça s'est arrêté, mais on parle encore de la France-Afrique, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà, exactement. Ils ont encore une domination économique à travers des entreprises, à travers la monnaie. Donc même s'ils sont partis des colonies, ils ont encore une place dominante. Non, il n'y a pas de souci, vous avez raison. Concernant les banques centrales, au début, les États-Unis ne voulaient même pas de banque centrale. Donc, pour stabiliser une économie et pour qu'elle devienne forte, ça ne se fait pas vraiment centrale, mais au niveau des grandes institutions, en fait. Et des grands accords, par exemple, comme l'accord de Plaza et autres. L'origine des banques centrales, l'Allemagne, le rôle de l'Allemagne et de l'Angleterre. À l'origine, avant le dollar, ouais. Avant le dollar, oui, bien sûr. La banque centrale anglaise occupait c'est grâce à la banque centrale que le livre sterling, c'est une des monnaies qui était une des monnaies la plus influente au monde. Bien sûr, les banques centrales ont joué vraiment un grand rôle, mais c'est surtout au niveau des accords. Parce que les banques centrales, ils communiquent entre elles, mais quand on veut mettre en place quelque chose, il faut faire des accords, comme les accords de Plaza, de Paris, donc... Accord de Plaza, si ma mémoire ne fait pas faute, c'était justement en 1973, je crois, pour mettre... pour réguler le dollar, justement. Pour revenir avec, par exemple, les Anglais, à quoi a servi la guerre de sécession? Pourquoi les banques ont mis les deux Amériques en guerre? En fait, les deux Amériques, l'Amérique fédérale et l'Amérique, enfin le Nord et le Sud. Pourquoi les ont mis en guerre et quel est le rôle des banques dans tout ça? Et à partir de quand est arrivée la Banque centrale? Est-ce que la Banque centrale, quand tu dis que c'est une histoire d'accord, il n'y a jamais de Banque centrale sans armée et sans guerre. C'est comme il n'y a jamais de religion ou autre sans guerre. Donc, dire qu'il faut vraiment parler de l'importance des banques centrales européennes qui, en envahissant les États-Unis, ont créé une guerre là-bas pour imposer leur poids sur l'économie du pays américain. Ça dépend, on prend ça de quel point de vue. Mais oui, la guerre, elle joue à chaque fois un rôle, comme je le disais au début. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a toujours les banques centrales, ils viennent pour se frotter les mains, oui. Comment ? Ou même pendant la guerre, oui, pour financer les deux armées. Donc oui, ils s'en mettent plein les poches, effectivement. Mais oui, la guerre joue un grand rôle économiquement, oui. Je conteste pas ça. Comment ? Ça, on peut pas dire le contraire. D'autres questions ou... Tu disais que à partir de 1944, donc tout le monde s'aligne sur le dollar. Alors, ce qui m'étonne beaucoup, c'est par rapport au bloc communiste, par rapport à la Russie. Donc, le rouble aussi s'aligne, mais enfin, est-ce que tu sais comment ça se produit ? Il y avait un observateur soviétique, mais j'ai pas l'impression que les soviétiques ont signé les accords de Bretton Woods. Ils ont signé ? Non, je pense pas. Ouais. Parce que c'est, y avait vraiment deux blocs, mais non, dans les recherches que j'ai faites, parce qu'en fait ça c'est un TPE avec un ami, je l'ai fait pour le bac de cette année. Et justement je voulais présenter, mais non, ils ont pas signé, non. Il y avait un observateur, mais ils ont pas signé. Mais l'influence du rouble dans l'économie mondiale, au temps des deux blocs, elle était pas vraiment. C'était pas vraiment une monnaie influente, quoi. La livre sterling était plus influente que le rouble. Mais comment pouvait se faire l'équivalence entre alors ? Vous voulez dire quand on change, quand on fait le changement, oui. En fait, ils s'alignaient eux aussi. Ils ramenaient du dollar. Ils faisaient ça avec la once. Donc eux aussi, ils étaient obligés. Donc d'une certaine manière, ils étaient spiégés, les soviétiques. Ils étaient obligés d'acheter du dollar ou de faire des transactions avec de l'or. Donc ils étaient spiégés par le système Bretton Woods, vraiment. Je voulais aussi rappeler que la parité entre le dollar et l'euro s'est toujours faite à partir des années 2000. Mais là, l'euro a tendance à... Là, l'euro est plus fort que le dollar, hein. Un tout petit peu, mais il y a une certaine parité, mais le dollar commence à s'anticiper. Et pour la question d'ouverture, jusqu'à quand la suprématie du dollar, on peut se demander si les BRICS, les pays émergents, déjà eux ils commercent entre eux avec leur propre monnaie nationale. Et les Chinois et les Japonais, eux aussi ils ont fait de même. Ils commercent avec le yuan et le yen. Donc pour mettre fin à la suprématie du dollar. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que la France soit dans l'euro ou selon vos recherches là? Alors moi c'était surtout vraiment sur le dollar, mais je vais donner un ressenti personnel. Donc pour moi oui. Là, c'est vraiment pour moi c'est une bonne chose que la France fasse partie de l'euro, de la zone euro, parce que contrairement le franc, il a toujours été classé, pas, il a jamais été supérieur à la livre sterling. Les Anglais ils ont gardé la livre sterling parce que c'est une bonne chose pour eux, c'est une bonne chose pour eux, mais on peut se demander si ça sera quelle place pour le futur franc. Si on devait quitter la zone euro. Mais en fait, le problème aussi, c'est que, par exemple, la Banque de France, elle n'a jamais été de France. Ça a toujours été des banques privées. Elle a été de France pendant le court passage du Conseil national de la Résistance. Et la Banque fédérale américaine n'a jamais été fédérale. Derrière, c'est des banques privées, hein. Même les États sont obligés d'emprunter aux banques, ce qui crée les dettes et qui a servi les États et les peuples aux dettes. Donc je me dis que si la France arrivait à être souveraine de sa monnaie et qu'elle était plus dépendante des banques privées, c'est-à-dire qu'on nationaliserait, quoi, et que la Banque de France serait vraiment de France, est-ce que ce serait pas une bonne chose ? Après, quand on veut se lancer pour créer sa propre monnaie, il faut voir la santé de l'économie intérieure. Est-ce qu'on peut aujourd'hui en France, est-ce qu'on peut lancer notre propre monnaie avec la santé de l'économie en France actuellement? Personnellement, je ne pense pas. Avec la santé. Après, ça, c'est ma vision des choses personnelles, bien sûr. Mais moi, avec la santé de la France actuellement, s'il lance le franc, je ne sais pas. Ah, c'est juste pour dire que t'es pas obligé d'avoir une seule monnaie dans un pays. Tu peux avoir l'euro qui tourne et une monnaie nationale qui tourne en même temps. Si je peux me permettre, il me semblerait que le problème ne soit pas vraiment les banques centrales, si elles sont d'État et si elles sont intelligentes. Le problème, c'est, ça serait pas plutôt les banques privées. Si on revient à la guerre de sécession. Les guerres ont été déclarées pour ruiner les deux États, celui de le fédéral et du Sud. En étant ruinés, ils ont été obligés de devoir s'en remettre à des banquiers et des banquiers privés. Et d'où la création des banques centrales indépendantes. Est-ce que le vrai problème, c'est ne pas le peuple et les États qui se laissent dominer par des entreprises privées et, plus que le problème de la monnaie. Oui, bien sûr, ça c'est un des grands problèmes. Même aux États-Unis, c'est pareil, il y a des grandes familles, comme les, la famille Roach. Ils exercent vraiment une grande influence. Bon, c'est une... Oui, mais... Ouais, après, ils vont aux États-Unis, donc... Aujourd'hui... Bien sûr, les grandes familles comme Rockefeller... On parle de Rothschild et de l'Allemagne. Est-ce qu'on peut dire, sans parler de complot, hein, que la famille, la couronne d'Angleterre et la famille Rothschild sont de la même famille et que si on peut, on peut trouver ça bizarre après dans l'exploitation des banques et dans le commerce international. Sans parler de complot. Hein. Après oui, il y a différentes théories, même... Il y a des théories qui disent que la famille Rothschild a financé les campagnes d'Hitler. Après, j'ai jamais fait des recherches pour voir si c'est ça. C'est... Mais on peut se demander pourquoi l'État laisse impunément les banques privées et les grandes familles exercer une telle influence. Donc, est-ce qu'ils ont leur compte à gagner? Je sais pas. je sais pas. Mais je pense qu'ils ont leur compte à gagner quand même. C'est vrai. Peut-être mieux que je le dise au micro. Les Américains, quand ils sont arrivés en Allemagne, ils avaient conquis l'Allemagne, ils sont arrivés en Allemagne et il y avait tout le matériel militaire allemand, dont les camions, etc. Et ils ont été, le soldat classique qui était pas au courant, et ben il était surpris parce que en fait le moteur des camions allemands, qui était censé être allemand normalement, c'était des moteurs Opel, quoi. C'était des moteurs américains, quoi. Donc voilà, quoi. C'est les Américains qui étaient derrière. On sait aussi qu'IBM a aidé aussi à Ford, évidemment. Ford qui avait le portrait d'Hitler dans son bureau, etc. Enfin bon, voilà. Mais bon, après, de là à tomber dans un grand complot, c'est pas toute l'Amérique qui était dans le financement de Hitler. Hein. C'était, il y avait des gens qui finançaient parce que voilà, comme on dit, hein, quand il s'agit d'argent, il n'y a pas de camp, hein, et on finançait de côté, comme tu le disais tout à l'heure, on finançait de côté, comme ça on gagne de l'argent. C'est ce qu'ont fait les Français aussi avec la guerre Iran-Irak. Hein, ils vendaient des deux côtés, comme ça, voilà, ils détruisent des deux côtés et c'est tout bénef pour eux. Hein. Voilà, je te laisse rebondir. En revenant, sans parler de complot, bien sûr, est-il étrange que tous ces accords soient faits avec l'accord des présidents, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun accord comme Ford avec Hitler et autres, General Motors, aucun accord ne s'est fait sans d'abord les accords des chanceliers Hitler et du président américain. Est-ce qu'on peut parler de trahison des peuples, ou est-ce qu'on peut parler de complot, ou est-ce que les peuples sont coupables de... Enfin, je ne sais pas. Donc, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, effectivement... C'est ça aussi un des principes des entreprises. Eux, ils voient pas ni rouge ni bleu. Eux, ils voient juste l'argent, en fait. Donc c'est ça. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, de nombreuses entreprises ont vu une opportunité en Allemagne. Ils ont vu que l'industrie tournait. Ils ont pas vu la question politique des nazis. Donc ils ont vu que c'était un bout où on devait investir. Mais effectivement, comme c'est vraiment une bonne intervention, on peut se demander pourquoi les accords ne se font pas directement un peu. Ils sont faits indirectement parce qu'on doit voir avec, comme vous l'avez dit, l'accord du chancelier. Le chancelier, c'est soit... Et pourtant, ça s'oppose au principe du libre-échange. Ça s'oppose un peu. d'une certaine manière. On ne peut pas vraiment échanger librement. On peut prendre encore une question et te laisser conclure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir encore une fois? Oui. Excusez-moi de reprendre la parole. Et est-ce que, maintenant que tu nous as... Excusez-moi, on va vous voir puisque tout le monde vous voit. Est-ce que... Bon, il faut comprendre, j'aimerais dire aux Français que le vouvoiement, c'est vraiment un truc bien français et qu'il faudrait que nous aussi, grâce à Nuit Debout, on s'en échappe. Mais bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut penser, de par les explications que vous nous avez données aujourd'hui, que tu nous as données aujourd'hui, qu'on se serait fait arnaquer avec l'euro? Déjà, avant le dollar, bon, c'était le franc. Mais oui, la France s'est un peu faite arnaquer par l'euro. Parce que mes parents, d'ailleurs, je reprends une anecdote de mes parents. Le salaire qu'ils avaient en France, c'est pas celui qu'ils avaient en euros. Donc mes parents m'ont dit, vraiment, en France, quand il y a eu le changement des francs en euros, l'économie, vraiment, il y a eu une flambée des prix, entre guillemets. Donc oui, c'est d'une certaine manière, oui, la France... Pour préciser ma question, sachant que aucun pays européen n'avait les mêmes accords constitutionnels et les mêmes accords politiques, et donc étaient tous différents, aucun des pays européens ne pouvait gérer l'euro. Et donc c'est la raison pour laquelle c'est l'Allemagne qui le fait, parce que l'Allemagne est la plus grande base militaire américaine avec la Turquie en Europe. Est-ce que les Européens, et il faut savoir aussi que les deux personnes qui ont créé l'Europe aujourd'hui étaient deux anciens militaires de Hitler, qui passent aux États-Unis, ont construit l'Europe qu'on a aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on peut dire que soit Hitler s'est fait arnaquer, soit le peuple s'est fait arnaquer, mais le fait que l'euro soit dirigé par les Américains, est-ce que maintenant, nous Français, nous sommes les esclaves, les serviteurs, on dépend complètement des États-Unis. Et donc, ce qui fait que nos présidents ne peuvent plus prendre de décisions. Puisque comme la monnaie ne leur appartient plus, comme ce qui se passe en Afrique avec le franc CFA, la monnaie appartient à la France, les pays africains ne peuvent décider de rien du tout. Donc aujourd'hui avec l'euro, étant donné que l'euro a été créé par les États-Unis et géré par les États-Unis, est-ce que ça fait de nous, Européens, des esclaves des États-Unis? Je te laisse répondre et faire une conclusion. Quand vous dites que les Américains ont créé d'une certaine manière l'euro, bien sûr, de façon indirecte, hein, pas directe. Mais oui, les Américains ont tout intérêt à maintenir l'euro pour pas qu'ils viennent empiéter dans les besoins des Américains et dans les objectifs des Américains. Mais oui, il y a vraiment une dépendance au niveau mondial. Ça s'arrête pas qu'à l'Europe, hein. Même l'Afrique, le monde entier... et indépendant d'une manière directe ou encore indirecte des Américains. Donc oui, ils ont bien fait leur truc. Bien sûr, toujours une domination, il faut toujours laisser une domination. Donc je vous remercie à tous et à toutes de votre attention. Merci beaucoup pour ton intervention et ta maîtrise. On va passer à une autre intervention. Je veux quand même rappeler en fait que toute parole est bienvenue, toute parole est légitime. Personne ici ne prétend avoir le savoir absolu. Les personnes qui veulent intervenir pour compléter, remettre en question, etc., c'est bienvenu, mais dans la bienveillance et le respect. Merci beaucoup. De quoi ? Peut-être pas tout de suite.